Merci Michel, tu peux t'asseoir Luc. Eh oui, c'est moi. Vous allez m'endurer pendant 1 heure. En plus de ça, j'ai pas de présentation pour vous, alors vous allez être obligé d'être attentif. Oh, c'est dommage. Non, parce que le texte qu'on va lire ce matin se passe de présentation. Je pense qu'on peut uniquement se concentrer sur le texte et sur ce qu'il a à dire. C'est un texte de loi. C'est super le fun à étudier au départ. Mais attention, comme d'habitude dans la parole de Dieu, lorsqu'on plonge, on découvre des trucs. Et lorsqu'on découvre des trucs, c'est intéressant. En tout cas, pour ceux qui sont infovores, qui aiment découvrir de l'information et en consommer, ben la Bible, c'est un bon livre pour ça. Et accessoirement, ben on découvre quelle est la volonté de Dieu pour nos vies. Hein? Je dis accessoirement, mais je devrais dire prioritairement. Donc, l'enseignement qu'on a eu la semaine dernière, vous vous souvenez, c'était consacré en grande partie aux 9 commandements, c'est ça, plus 1. Non, aux 10 commandements qu'on appelle aussi le décalogue. Et ces 10 commandements-là, vous vous souvenez, c'est Dieu qui les a dictés à Moïse pour qu'ils soient transmis au peuple d'Israël. Donc ça, c'est à la fin du chapitre 20. Et on sait que les 10 commandements, c'est en gros le résumé de toute la loi de Dieu. C'est également la base qui nous sert à interpréter l'esprit de toutes les lois qui vont suivre dans les chapitres suivants, dont le chapitre 21 qu'on va voir aujourd'hui. Le chapitre 21, ce n'est que la première partie de toute une série de lois qu'on va étudier au cours des prochaines semaines. La semaine dernière, on a vu également que le décalogue trouve son application à travers les 2 commandements suprêmes laissés par Jésus-Christ lors du sermon de la montagne. L'amour de Dieu, le bien du prochain. C'est schématique, c'est simple à retenir. L'amour de Dieu, le bien du prochain. Et Jésus nous dit d'ailleurs de ces 2 commandements, de ces 2 commandements suprêmes-là dépendent toute la loi et les prophètes, donc l'ensemble des Écritures, autrement dit. Les 10 commandements sont universels, sont encore d'actualité dans nos vies, parce que ce sont des éléments fondamentaux de notre morale à nous, les croyants, en Jésus-Christ. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les choses vont changer un petit peu pour ce qui est du chapitre 21, hein, parce que les lois qui sont contenues dans le chapitre 21 sont un peu plus obscures, un peu plus étranges. Et certainement, elles sont beaucoup plus éloignées de notre société, de notre contexte à nous, de notre réalité contemporaine. Levez la main ceux qui ont des esclaves ici. Donc, elles sont moins évidentes pour nous parce qu'elles sont spécifiques au contexte historique du peuple d'Israël, de l'Exode, en 1500 avant Jésus-Christ. Cependant, ça serait commettre une erreur que de croire que ces lois-là sont désuètes, qu'elles n'ont plus aucune utilité, aucune valeur pour nous. On tomberait dans le panneau si on croyait ça. Et ça serait tomber dans le panneau que de négliger les chapitres qu'on va lire au cours des prochaines semaines. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des vieilleries dénuées d'importance. Au contraire, la loi de Moïse a son importance. Pourquoi? Parce qu'elle émane de Dieu lui-même. Et la loi de Moïse fait partie de la parole de Dieu. Et tout ce qui se trouve dans la parole de Dieu est utile pour notre instruction, entre autres, hein, comme dit Timothée 2 Timothée 3:16. Donc, la loi de Moïse nous révèle tout d'abord que Dieu est juste. Et c'est sur la base de cette justice-là que le salut en Jésus-Christ va venir s'appuyer. Et si nous sommes respectueux de la parole de Dieu et de l'œuvre de Dieu qui se manifeste dans la construction du peuple d'Israël, par conséquent, on doit donner à la loi toute son importance. Et on doit lui donner la même considération à la loi de Moïse que celle qu'on donne, par exemple, au texte de l'Évangile. Donc, c'est ça que je cherche aujourd'hui à,

Si un homme met à découvert une citerne, ou si un homme en creuse une et ne la couvre pas, et qu'il y tombe un bœuf ou un âne, le possesseur de la citerne paiera au maître la valeur de l'animal en argent et aura pour lui l'animal mort. Si le bœuf d'un homme frappe de ses cornes le bœuf d'un autre homme, et que la mort en soit la suite, ils vendront le bœuf vivant et en partageront le prix. Ils partageront aussi le bœuf mort. Mais s'il est connu que le bœuf était auparavant sujet à frapper et que son maître ne l'ait point surveillé, ce maître rendra bœuf pour bœuf et aura pour lui le bœuf mort. Je l'ai dit un peu plus tôt, je le rappelle quand même, c'est bon de le souligner. Après le décalogue qui a été dicté par Dieu à la fin du chapitre 20, bien, les chapitres 21, 22, 23 vont élargir la loi et vont l'appliquer à toutes sortes de cas spécifiques. Et les lois qui sont contenues dans ces chapitres-là vont être ensuite, à leur tour, complétées, augmentées, dans différents textes qui vont succéder dans les livres suivants, dans le reste de l'Exode, dans le Lévitique, dans le Deutéronome. La loi de Moïse, c'est un ensemble de commandements assez complexe, très spécifique souvent. Donc, ça va se poursuivre jusqu'à la fin du Pentateuque, jusqu'à la fin de la loi de Moïse. Et c'est justement pour ça qu'on appelle l'ensemble la loi de Moïse. Aujourd'hui, on va couvrir seulement le chapitre 21 pour des raisons pratiques. Mais je tiens quand même à souligner que le recueil de prescriptions qui commence au chapitre 21, ça porte un nom, on appelle ça le livre de l'Alliance. C'est appelé ainsi dans Exode 24:7. Et à partir du chapitre 21, commence ce qu'on appelle le Code civil et criminel israélite, dans ce qui est le plus essentiel. Les bases générales ont été posées dans le Décalogue, et c'est sur ce fondement-là que va s'élever l'édifice du droit israélite. Vous l'avez remarqué, bien sûr, tous les cas possibles et impossibles ne sont pas couverts dans ce qu'on a lu. Il y a diverses prescriptions, mais c'est impossible de couvrir tous les cas de figure. Néanmoins, il y a quand même des normes qui sont indiquées, qui sont tracées, un esprit avec lequel interpréter la loi, une espèce de jurisprudence. Voilà. Donc, les normes d'après lesquelles les cas non mentionnés devraient être jugés. Et ce code-là qui forme le livre de l'Alliance, on peut, attention, c'est bien important parce que ça va vous aider peut-être à comprendre ce qui va suivre. Le livre de l'Alliance, là, qui va jusqu'au chapitre 23, il peut être divisé en 6 groupes. 6 groupes d'environ 10 articles chacun. Et le Décalogue forme en lui-même un groupe à part, un 7e. Donc, avec les 6 autres groupes, on en a 7. On appelle ça l'heptade. L'heptade, c'est 7. L'heptade sacré. Et cette distribution-là, assez symétrique de la loi, par septaine et par dizaine, en fait, c'est conforme à l'analogie de la littérature hébraïque. C'est une distribution qui avait l'utilité, entre autres, de classer et par là d'aider à retenir tout cet amas de lois qui sont difficiles à retenir si on ne se donne pas de la méthode. Donc, c'est comme ça que le texte est organisé. Donc, souvenez-vous, 6 groupes de lois, 10 lois chacune, plus le décalogue, qui comporte 10 lois. Donc, le premier groupe va du verset 2 au verset 11. Et ce premier groupe-là est consacré aux droits des serviteurs. Donc, c'est les devoirs spéciaux des maîtres qui sont tout d'abord examinés. Parce que les maîtres pourraient s'imaginer, parce qu'ils sont maîtres, qu'ils ont droit de vie ou de mort sur les gens qu'ils possèdent. Mais la loi est justement là pour leur rappeler qu'il y a une autorité au-dessus d'eux, l'autorité de Dieu. Et c'est pourquoi, au chapitre 21, Dieu va limiter l'autorité des maîtres sur les esclaves. Ce n'est pas une autorité absolue que les maîtres disposent ici. Les Israélites avaient de vrais esclaves. On parle des esclaves d'origine étrangère. Le Lévitique 25, 44 à 46 le mentionne d'ailleurs. Mais les Israélites avaient aussi des serviteurs israélites. Et l'asservissement de ces serviteurs israélites-là n'était que temporaire. On peut retenir qu'il est permis d'acquérir un Hébreu en tant qu'esclave. Mais celui-ci devait servir durant 6 ans, suite à quoi il était libéré sous certaines conditions. D'ailleurs, l'attachement définitif au verset 5-6 là, qui est montré, c'est une représentation assez intéressante de ce que fait Christ. De ce que fait Christ pour son Père, de ce que fait Christ pour nous, ses enfants également. C'est ainsi qu'il a volontairement décidé d'être un serviteur pour toujours, parce que Christ aime son propre maître, qui est Dieu le Père. Et de même, Christ aime son épouse, l'Église, et Christ aime aussi ses enfants, nous les croyants. Donc ça, c'est le premier groupe. Deuxième groupe va du verset 12 au verset 27. Et on aborde ici les lois relatives à la violence entre individus et le respect qui est dû aux parents. Le verset 12 contient la règle générale, règle qui est déjà énoncée dans Genèse 9, verset 6. Donc, tout meurtrier, toute personne qui répand le sang est punie de mort. C'est simple. Et ce n'est que justice, parce que celui qui a donné la mort mérite de recevoir la mort. Verset 13, c'est une exception. Le verset 13 statue l'exception. Ça concerne l'absence d'intention et ça prévoit un lieu d'asile, un lieu de refuge pour celui qui aurait commis un meurtre de façon involontaire. Quelqu'un qui a renvoyé sa flèche, qui atterrit dans le corps d'une personne sans qu'il l'ait voulu, par exemple. Les dispositions de la loi peuvent nous paraître sévères quant au respect qui est dû aux parents. Par exemple, celui qui fait violence à ses parents ou qui profère une malédiction contre ses parents, qui traite ses parents de tyrans, doit être puni de mort. Pourquoi? Parce que ça on rappelle l'importance ici que Dieu accorde au respect des parents dans le 5e commandement. Donc, malheureusement, je viens probablement d'éliminer la quasi-totalité des adolescents dans cette salle. N'est-ce pas? Oui. Qui ont déjà été autrefois des enfants. Les lois suivantes vont encadrer, on est toujours dans le deuxième groupe, là, mais les lois suivantes vont encadrer la question des réparations qui sont dues en cas de perte matérielle ou de blessure. Et là, on va rentrer dans ce qu'on appelle la loi du talion. Elle est énoncée au verset 24-25. Et la loi du talion, en quoi ça consiste? Oui, j'entends un peu d'écho hein, quand je parle. Ouais. Donc, la loi du talion consiste en la réciprocité du crime et de la peine. Crime égale peine. Crime, miroir de la peine. Peine, miroir du crime. Œil pour œil, dent pour dent. Cette façon d'administrer la loi, ça a pour but d'empêcher toute vendetta entre individus, donc toute justice privée en dehors de l'administration des juges. Parce que, n'oubliez pas, ce sont des juges qui administrent la justice. Ce qui est énoncé ici n'est pas laissé aux individus. Ce n'est pas à moi d'aller arracher l'œil de celui qui me l'a d'abord arraché. Il faut d'abord qu'il y ait un juge qui soit neutre et désintéressé pour administrer le jugement qui est recommandé par Dieu. La loi du talion, ça introduit un début d'ordre dans la société en ce qui concerne le traitement des crimes. Et pour information, là, la loi du talion, ce n'est pas unique à la Bible. On en retrouve des traces un peu partout au Moyen-Orient, au Proche-Orient. On en retrouve des traces dans le Code d'Hammurabi en 1750 avant Jésus-Christ environ, à Babylone. On retrouve également des références à l'œil pour l'œil, dent pour dent chez les Grecs, notamment chez Eschyle, et dans les lois de Platon, entre autres. Au livre 10. Bien sûr, un flou d'interprétation pourrait subsister quant à la portée de la riposte, au niveau de la riposte. Mais dites-vous que le texte biblique indique toujours le maximum. Il précise clairement que c'est le maximum qui est autorisé. Et simultanément, dites-vous toujours que le pardon et la réconciliation sont toujours encouragés. Si vous lisez Lévitique 19, 18, entre autres, c'est fortement encouragé le pardon et la réconciliation, plus que la peine en tant que telle. Le but de tout ça, c'est d'éviter qu'il y ait une vengeance qui soit disproportionnée à l'acte qui est subi. Si on procédait autrement, on risquerait d'aggraver la situation et on la ferait dégénérer vers davantage de violence, parce que la violence appelle la violence, le sang appelle le sang. Les prescriptions de l'Exode pourraient nous paraître sévères. Elles nous paraissent sévères certainement aujourd'hui dans notre contexte. Mais dites-vous que le texte biblique, la loi de Moïse, est relativement douce par rapport aux autres codes de loi qui sont en vigueur à la même époque. Par exemple, dans le code d'Amourabi et les autres codes légaux un peu partout au Proche-Orient, c'est habituel de punir l'ensemble de la collectivité pour la faute d'un seul. Donc, si l'individu porte une responsabilité, on zigouille sa famille, on zigouille ses domestiques, on zigouille tous ses relatifs. Alors que, dans la loi de Moïse, seul l'individu porte la responsabilité de son péché, et non pas toute la famille de l'inculpé et tous ses domestiques. Comme le mentionne Deutéronome 24, 16, « Les pères ne seront pas mis à mort pour les fils, et les fils ne seront pas mis à mort pour les pères. Chacun sera mis à mort pour son propre péché. » Ça, c'est une nouveauté qui introduit la Bible. Et c'est important. Deutéronome 24, 16. Parce que Dieu est constant dans sa volonté. On le voit bien que la damnation éternelle et le salut, c'est sur la base de l'individu qui l'est conféré. Et non pas une société, une nation, un groupement d'individus en même temps. Troisième groupe, ça va du chapitre 21, verset 28, au chapitre 22, verset 17. On va embarquer un peu dans le prochain chapitre. Et les articles de ce groupe-là vont se rapporter aux dommages causés à la propriété d'autrui, soit involontairement, soit volontairement. Je n'irai pas plus loin dans mon commentaire des lois, je vais en laisser pour les autres qui vont me suivre. Je caractérise un peu la loi de Moïse, elle apporte de l'ordre dans la société d'Israël, dans le gouvernement d'Israël, mais elle sert aussi à distinguer le peuple d'Israël par rapport aux païens. Parce que Dieu est un Dieu saint, qui s'est choisi un peuple saint, séparé des nations. Et c'est ça, à la sainteté de Dieu doit correspondre un peuple digne de lui, et qui est régulé par des lois qui sont justes. Les lois sont justes puisqu'elles émanent de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même, d'ailleurs, le législateur. Ça, c'est unique dans toutes les sociétés antiques. On est Dieu lui-même qui édicte les lois. Moïse ne fait que transmettre. Et on peut dire également que, j'ai mentionné à quelques reprises, mais je leur ai dit, la loi de Moïse, bien que sévère pour nous aujourd'hui, elle est relativement douce dans le contexte social de l'époque. Le sort des esclaves, par exemple, est certainement beaucoup plus doux chez les Israélites qu'il ne l'était chez les Romains de la fin de la République, par exemple. Un autre point qui est important, c'est que l'application de la loi, elle est laissée au juge. La loi du talion n'autorise pas la justice personnelle. Ce n'est pas un droit de vengeance privée. Donc, tout ça, ce sont des règles pour encadrer Israël. L'Israël de ce temps-là et non pas l'Israël d'aujourd'hui. Cependant, le talion a quand même laissé des traces dans la mentalité collective juive, même aujourd'hui. Il suffit de voir, par exemple, Tsahal, la force de défense israélienne. Elle applique aujourd'hui une doctrine défensive qui rappelle beaucoup le talion, c'est-à-dire coup pour coup. Donc, ça a laissé des traces quand même. Les diverses prescriptions et les lois qui sont montrées au chapitre 21, ça rend un double témoignage. Ça nous parle de Dieu, mais ça nous parle aussi de l'homme. Dieu tout d'abord, on sait que Dieu établit des lois qui sont justes parce que Dieu lui-même est juste. Ce sont des lois qui reflètent sa nature. Ça va de soi. Ce sont des lois qui sont strictes, des lois qui sont impartiales pour le gouvernement d'Israël. Et Dieu fait droit à tous égards. Il est impartial, ne fait exception de personne. Les riches et les pauvres ne sont pas distingués. Les puissants et les humbles ne sont pas distingués. Le législateur s'adresse à tout le monde. Et le jugement ne frappe que le coupable. C'est ça qui est important aussi de retenir. Il ne frappe pas l'innocent, le jugement. Il frappe le coupable. Maintenant, pour l'homme, ce qui nous est révélé à propos de lui, c'est que la loi démontre la dureté de son cœur et l'impossibilité de parvenir à la pureté devant Dieu par ses propres actes. Parce que personne n'est capable d'être parfait devant la loi, de l'appliquer parfaitement. Il y a une personne qui a réussi à le faire, c'est Jésus-Christ, mais on va en parler plus tard, ça. Donc, le fait que l'Éternel ait dû promulguer des lois pour toutes sortes de fautes et de crimes, ça prouve que l'homme est capable de les commettre. C'est dans sa nature de pécheur. Et la loi révèle non seulement la nature pécheresse de l'homme, elle le lui démontre, mais elle montre aussi qu'il est nécessaire d'édicter des lois pour encadrer la nature pécheresse de l'homme et la réprouver. Sans criminel, la loi aurait été inutile. La loi eût été inutile sans criminel. Donc, la loi donne la connaissance à l'homme du péché. Elle lui démontre son incapacité de faire le bien. Elle lui démontre son incapacité de plaire à Dieu. Et la loi, surtout, c'est le barème, la définition du bien et du mal. C'est la ligne rouge entre les deux. Et la loi est basée sur le faire. Fais ceci et tu vivras. Mais c'est une voie sans issue. Parce que devant la loi, tout homme est faillible, tout homme est fautif, tout homme est inexcusable. Il fallait l'œuvre de Christ qui va survenir plus tard pour, et l'accomplissement des promesses qui vont s'accomplir à travers l'action, à travers l'œuvre de Christ, pour enfin débloquer cette issue-là, l'issue de la loi. Donc, Jésus-Christ, c'est celui qui va libérer de l'emprise de la loi. La loi a été donnée, je l'ai dit, pour atténuer le mal et atténuer la dureté du cœur de l'homme. Tout ce potentiel que l'homme a de faire le mal et de commettre le péché et de faire du mal aux autres. Parce que le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. La loi, c'est un instrument que Dieu va donner à l'homme. Autrement dit, c'est une façon que Dieu, c'est un moyen que Dieu se donne pour se rapprocher de l'humanité. Et pour se rapprocher de Dieu, il faut croire à la loi. Il faut croire à toutes les promesses qui se trouvent derrière la loi. Le problème, c'est que l'homme honore Dieu du bout des lèvres. Et l'adhésion de son cœur n'y est pas. Et en cela, souvent, l'homme accomplit la loi, observe la loi en hypocrite, sans vraiment y croire. Mais respecter la loi pleinement, c'est quoi? C'est respecter ce que Dieu a voulu établir à travers la loi, derrière la loi. En fait, c'est Dieu, c'est pas la loi qu'on honore. C'est l'intention qui prime. C'est le cœur qui intéresse Dieu. C'est le cœur qui intéresse Dieu au-delà du respect scrupuleux du texte. Dieu recherche des croyants qui l'aiment avant toute chose en observant ses commandements. Et c'est ça qu'il demandait aux Israélites. Et à cet égard, notre modèle suprême, là, c'est définitivement Jésus-Christ. La seule personne qui ait accompli parfaitement la loi. Mais Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Jésus lui-même avait un profond respect pour la loi. On peut le constater dans Matthieu 5, 17. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Jésus, c'est un serviteur fidèle de son Père. Il est venu parmi les hommes et il s'est plié aux exigences de la loi juive. Rien ne l'obligeait pourtant à faire ça, et il l'a fait. Il a médité la loi de Dieu. Il l'a pas médité pour la détruire ou la bannir. Au contraire, il l'a observé fidèlement tout au long de sa venue sur terre, comme un vrai Hébreu. Mais il a introduit aussi ce qui a dépassé la loi par la suite. Donc, Jésus ne s'oppose pas à la loi, mais il s'oppose aux interprétations réductrices, aux interprétations légalistes qui sont faites par les scribes et les pharisiens. Les interprétations que nous, les hommes, sommes spécialistes. Les pharisiens et les scribes interprétaient la loi, je l'ai dit, de façon légaliste, littérale. Et en faisant ça, bien, ils dénaturaient complètement la loi de Dieu à travers une myriade de préceptes et de traditions. La pratique de la loi dans ces conditions-là s'éloignait de ce que Dieu avait voulu à la base, d'une authentique fidélité à la parole de Dieu. Autrement dit, la tradition et l'application orgueilleuse de la loi prenaient la place de Dieu. Et c'est comme ça qu'on dénaturait ce que Dieu voulait faire établir à travers la loi, qui est de guider vers Jésus-Christ. Donc, pour corriger cette déviation-là, Jésus procède d'une façon simple. Il va reprendre les commandements un à un et va dévoiler le sens profond en éliminant les ajouts des traditions humaines qui rendaient l'application de la loi oppressante pour les individus. Par exemple, quand la loi ordonne « Tu ne commettras pas de meurtre », Jésus déclare que si quelqu'un traite seulement son frère de fou, il mérite la géhenne de feu. Jésus, c'est l'intention derrière le précepte qu'il adresse. Jésus s'exprime ailleurs au sujet de l'homicide, de l'adultère, du divorce et du serment. Pour Jésus, là, il ne suffit pas d'une observance extérieure et minimaliste de la loi, mais c'est une adhésion du cœur qu'il recherche. Aux hommes, il veut faire comprendre à quel point leur cœur est tortueux, méchant, qu'il est nécessaire de veiller sur l'intention, sur la pureté du cœur qui est le vrai siège de la justice. En fait, Jésus est radical ici lorsqu'il affirme « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Matthieu 5, 20. Et cette justice-là, Jésus va la surpasser en nous révélant la loi de l'amour comme synthèse de la loi de Moïse. Et c'est ça les deux commandements suprêmes qu'il nous a laissés. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. C'est à travers cet amour-là que Christ va porter la loi à son accomplissement. Il nous dit « Vous avez appris, eh bien moi je vous dis, Jésus parle à la première personne. C'est lui la parole, c'est lui la loi. Et c'est lui qui nous rappelle que le service de l'humain, là, c'est plus important que l'observance stricte de la loi. Le service de l'humain a priorité sur l'observation de la loi. » Et tout cela est résumé et condensé dans l'Évangile de Christ. « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Et cet amour-là, Christ n'a pas fait que le dire, il l'a accompli. Il l'a démontré par son sacrifice sur la croix. Il nous a donné ainsi accès au salut qui libère de la condamnation de la loi. Donc, où est-ce qu'on serait, où serions-nous si l'ordre inflexible, œil pour œil, dent pour dent, s'est appliqué à tous, si c'est appliqué à nous, les croyants? En fait, Dieu aurait fait disparaître de la surface de la terre toute l'humanité, parce qu'on est tous coupables sans exception d'avoir crucifié son Fils. Mais au lieu de ça, sur la croix, le Seigneur a mis en application ce qu'il nous enseignait. Son sacrifice, c'est vraiment une illustration parfaite de la loi de l'amour. La loi condamne à cause du péché. Elle condamne l'homme au rejet définitif devant Dieu. Mais la grâce de Jésus-Christ nous délivre de cette condamnation-là. Et le Seigneur Jésus-Christ a été le seul à accomplir la loi. Je vous l'ai montré, là, les étapes. Mais s'il y avait juste eu cela, on n'aurait quand même pas été sauvés parce qu'on serait resté dans la mort. Mais Christ est allé au-delà de la loi. Et ce que la loi ne l'obligeait pas à faire, Christ l'a fait. Christ est allé plus loin. Il est mort pour nous. Maintenant, on peut vivre en nouveauté de vie. On est mort au péché. On vit maintenant en Christ. Et en cela, on est des imitateurs de Christ. Et on est, à notre tour, incité à aller au-delà de ce qui nous est demandé par la loi. Donc, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, Galates 3:13. Ainsi, nous sommes libérés du péché et de la loi parce que nous sommes morts au péché. Et la loi n'a plus aucun pouvoir, aucune contrainte sur quelqu'un qui est mort au péché. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Romains 7:4. Donc, la mort de Christ nous a justifiés devant Dieu. Et cette nouvelle situation-là nous délie de toute obligation morale. Ça, c'est pour nous, les croyants. On n'est plus sous le pouvoir de la loi. On est devenus des esclaves de Dieu, en nouveauté d'esprit. Et l'esprit nous pousse à vouloir le bien que le Seigneur Jésus-Christ veut qu'on fasse. C'est le fruit de l'esprit, ça découle de cette volonté-là, de cette incitation-là par l'esprit. Mais finalement, pourquoi est-ce que la loi a été donnée à Israël? À quoi servait-elle? Je peux résumer, je peux condenser, je peux synthétiser. Si la loi a été donnée aux Israélites, et à travers les Israélites par extension, à toute l'humanité, pour trois raisons. Un, pour limiter le mal parmi les hommes. Deux, pour montrer aux hommes leur péché. Ils sont coupables devant Dieu. Et finalement, pour montrer aux hommes le caractère et la volonté de Dieu en tant que règle de sainteté, en tant que conduite à avoir. Dans l'Épître aux Galates, il ressort, Galates 3, 18 à 24, que la loi a été donnée en attendant l'arrivée du Messie, Christ le Sauveur. Elle a été donnée pour faire ressortir l'état de péché de l'homme par des violations flagrantes, qui nous montrent par là l'état profond de l'homme. Je l'ai dit tout à l'heure, l'homme est incapable d'observer la loi. On est incapable d'être justifié par la loi parce que notre nature pécheresse nous empêche de faire le bien. Mais aujourd'hui, tous ceux qui se réclament de Christ sont libérés à cause de la foi. C'est ainsi que les prescriptions du chapitre 21 ont été supplantées dans l'Église par une autre réalité spirituelle qui est « crois ceci et tu vivras ». Tout à l'heure, on disait « fais ceci et tu vivras ». Non, c'est « crois ceci et tu vivras ». Et à l'exemple de Christ, on est incité, on est appelé à aller plus loin que la loi et à rechercher à notre tour le bien de notre prochain, le bien de l'autre. Appartenir au Seigneur Jésus-Christ, c'est aimer les autres à cause de son amour pour nous. C'est un amour qui est inconditionnel et l'amour de Christ inconditionnel s'est manifesté à la croix. Mais la loi n'a pas été abolie pour autant. Pourquoi? Parce que si c'était juste une histoire de croyants, oui, la loi aurait été abolie, mais ce n'est pas le cas. Il y a encore des incroyants sur terre. Et la loi s'applique encore pour eux. Eux ne sont pas délivrés de la loi. La loi les condamne. Et la loi va les condamner s'ils ne se repentent pas et n'acceptent pas le salut en Jésus-Christ. Ceux qui ne croient pas à l'efficacité du salut en Jésus-Christ pour le pardon des péchés, la loi les condamne. Romains 7 nous l'expose assez largement. La loi exerce son pouvoir sur l'homme tout au long de son existence. On parle de l'homme qui est pécheur. Donc, à cause de ça, à cause de juste ce principe-là, à cause de cette réalité-là, la loi n'est pas désuète. La loi est sainte. La loi, c'est une émanation de Dieu et doit être considérée comme telle. Même la loi de Moïse, qui peut culturellement être très éloignée de nous. Et à cause de ça, elle doit être considérée comme avec le plus grand respect. Les lois civiles, les lois cérémonielles, la loi de Moïse, là, c'est vraiment très exotique pour nous. Puis ça, c'est vrai que ça ne trouve plus son application dans notre quotidien. Mais il ne faut pas diminuer son importance, surtout pas son importance pour l'humanité, parce que la loi, en tant que telle, recèle la condamnation des pécheurs. C'est à cause d'elle qu'on va condamner les pécheurs à la damnation éternelle. Pas nous, Dieu. Et tout ce qui vient de Dieu doit être traité avec piété. Je l'ai dit en introduction, je le redis encore une fois. Tout ce qui émane de Dieu, tout ce qui est écrit dans sa parole doit être traité avec déférence, avec piété. Et la loi en fait partie, de la parole de Dieu. Elle est l'œuvre de Dieu et elle doit aussi être l'objet de notre admiration. C'est vraiment une œuvre admirable. Dieu a construit l'histoire du salut en partant de la loi pour aller jusqu'à Jésus-Christ. Et la loi a une importance historique et une importance définitive dans cette histoire du salut. C'est vraiment une manifestation du grand dessein, la volonté de Dieu à travers l'histoire pour l'humanité, et c'est une manifestation aussi de son amour pour nous. La loi est une étape vers l'amour de Christ. Parce qu'avant que la grâce ne soit offerte, il fallait que la loi soit établie en tant que préalable pour nous faire réaliser que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de sauveur. Donc, la loi, ce n'est pas une vieillerie qui est bonne pour la brocante. OK? C'est le témoignage de ce que Dieu a accompli pour nous par grâce, et c'est le rappel du caractère implacable de la loi. Parce que ceux qui ne sont pas nés de nouveau et qui rejettent Jésus-Christ vont être jugés en raison de leur incapacité à observer la loi de manière parfaite. Et quand je dis parfaite, il faut que ce soit parfait. Parce que Dieu est parfait, Dieu est juste. Amen.